Thank you. to sing. What you are stop, what you are picking, what you are stop, what you are, what you pick here. Thank you. car rien ne manque au triomphe de la civilisation, ni la terreur politique, ni la misère affective. Non, le désert ne peut plus croître, il est partout. Devant l'évidence de la catastrophe, il y a ceux qui s'indignent, ceux qui prennent acte, ceux qui dénoncent. Stérilité universelle. Devant l'évidence de la catastrophe, il y a ceux qui s'indignent, ceux qui dénoncent et ceux thank you. s'organise. Sensible. Contre-attaque. Ce qui dénonce. À ceux qui pensent que la fin de cette civilisation n'est pas la fin du monde. Welcome, Wadey, my friend. What a pleasure. Another day, another life for you. me fait devenir punk, me fait devenir funk, me fait devenir brunk, me no fait no hope, no way, no hope, no god, no master, the master send, the master bus, on it, FX. Qui raconte que Vladimir, même si il nous fait la guerre, il nous vendra quand même du gaz, à part les proutes. Yeah. want. Won't you appear? Thank you. Nous séchons. J'aurais positron. Notre session, la matière, comme un interstellar. J'ai l'oreillose, j'ai la bétadonose, j'ai le rubinose, j'ai l'or, tout est question d'eau, smose, c'est la dose, tout est poison, rien n'est poison. Tout est maison. question d'eau. Ta. D'eau, de toi, de toi, de ta, de ta, de ta, de ta, de profiter de présent.